On me dit que je me prends trop la tête. On me dit par un voyage fais la fête. Et je sais que tous ils hallucinent quand je rentre un Y sur la scène. On me dit que je me prends trop la tête. On me dit par un voyage fais la fête. Et je sais que tous ils hallucinent quand je rentre un Y sur la scène. On me dit pars en voyage, vas-y fais la fête. J'ai plein de disques d'or, t'es là tu fais la tête. C'est que si j'étais pas à côté que demain j'arrête. Mais j'aime trop la musique, je suis dans ma planète. Quand tu m'as dit que j'ai changé, de t'insulter ça me démangeait. Fais-moi du mal, je vais pas me venger. Mais le retour des flammes, tu vas les manger. Manger, on fout du danger. Je vis au jour le jour, le coup et le manger. Je sors même le dimanche. On me dit que je me prends trop la tête. On me dit par un voyage fais la fête. Et je sais que tous ils hallucinent quand je rentre un Y sur la scène. On me dit que je me prends trop la tête. On me dit par un voyage fais la fête. Et je sais que tous ils hallucinent quand je rentre un Y sur la scène. Le soleil m'a assommé. Sous le siège, j'ai souvent le chromé. Une envie de le sortir, je te promets. Je suis à 200, je regarde pas dans le rétro. Midi tapant, je descends dans le ghetto. Les cibles me fouillent, mais me laissent le bédo. Je remets première et je rejoins le poteau. Dans le train, ça tire, ça se fait des coups. C'est de pire en pire, tous y vont au trou. Sans même pas gégir, qu'est-ce que je m'en fous. Qui continue à dire que je suis un fou. Tous y me font rire. Ah ouais, c'est délicieux. Quand je rentre à Y sur la scène.